Toi, tu disais m'aimer. Moi, je ne te croyais pas. Et comme j'avais raison, toi, tu ne m'aimais pas. Tu as refait ta vie comme on ne la refait pas, avec un de ces nantis qu'on appelle le roi. Moi, je reste chez moi, et c'est moi qui défile. Et des années peut-être à ne penser qu'à toi. Alors je fais des chansons. Il ne me reste plus que ça. Tu me menaces encore pour mes petits arias. Tu peux faire un procès. Moi, je continuerai mon amour, mon amour. Tu peux même me ruiner, car n'oublie pas que ce soir, les chansons, ma guitare, c'est tout ce qu'il me reste pour tuer mon cafard. Dans tes piscines de luxe, tes hôtels paradis, tu ris à n'en plus pouvoir. Oui, c'est ta nouvelle vie. Moi, je suis dépressif et puis accro à toi. Tes propos agressifs quand je t'appelle parfois. Tu m'insultes de cinglé, de petite pute, d'enculé. Et tu prends la justice pour justice contre moi. Mes quelques mots énervent dès lors qu'ils sont chantés, puisqu'ils sont surcédés. Tu veux me faire décéder, mais tu peux faire un procès. Tu peux même me ruiner. Mon amour, moi je continuerai. Car n'oublie pas que ce soir, mes chansons, ma guitare, tout ce qu'il me reste pour tuer mon cafard. Je dors contre mon bras, ma bouteille de vodka me sert d'oreiller, tout comme ces vilains cachets. Un jour mon cœur sautera de t'avoir trop aimé, d'avoir voulu te boire, puis t'avoir dégueulé. La vie s'est arrêtée et les filles me dégoûtent. tu sais mon éclat. Je l'ai perdu en route. Alors laisse-moi chanter et fais-moi des procès. Tu sais, je ne les paierai pas, moi. Tu sais, je vais crever. Alors laisse-moi chanter et fais-moi des procès. Tu sais, je ne les paierai pas, moi. Tu sais, je vais crever. Thank you.